Selay, Selassay, Joe, Rastafari, Monsieur Pili, Monsieur Shai, Monsieur Loek, Monsieur Paquet. I rush alongside Stamina and the family. Yeah! Bless us, Joe. En ton sein, non, je prends le micro. En ton sein, non, m'installe sur ce tempo. C'est pas la puissance de mon flow, mais la force de mes mots. Mon message, ja, que je t'envoie. Regarde ton peuple qui erre comme des brebis galeuses ou sans berger. Galère sur terre, ja, tu nous as fait tous pareils. Blanc et noir, rouge et jaune, nous sommes censés être des frères. N'ai-je pas le droit de prendre ma part? Dois-je bouffer de la viande crue tout en chrome, grand-père, les opas? Le monde se meurt, ja, le monde se meurt. De massacre en massacre, la vie devient acre. Ja, où aller sans se sentir menacé? Où aller sans recevoir une balle de Kalachnikov? Où, dans cette immensité, quand explose en tout temps les cocktails Molotov? Ja, ja, protection. Honoré par les gants, sont des hommes, sont des gants, sont des soldats. Une âme s'envole. Une âme, un gun, un coup qui parle. Total tristesse, famille, vacarme. Oh man, oh ja, oh jeune, oh canne. Oh ja, miséricordia. Quel exemple, monde de nuit essence. Au fait, j'y pense, car mieux vaut tard que jamais, fait concret. Chez nous, les terres sont riches, les soleils nous riches, nos legs profitent impunément. Les chiquets disposent, proposent, imposent les conditions, le spoli de nos biens, polis et vétiens. Mon pieux fait, c'est tromper un pitch, vous êtes tous invités. Plus que sur de voler la face, câble rase, les erreurs du passé tirant le son. En mieux et pour le mieux agissant. Action! Alice, au pays de R.O.S.H., le contribuer de mon lit, grosse fumeuse de hache. De ma foudre, les murs polis. Dans mon appartement, ça sent le Cali. Soldat de Zion, lève-toi et porte l'étendard. Et déraciner l'homme sans histoire. SS Babylon, please pas de Magnum. D'abord, t'as tort à leur dire de mort. Ta manière d'agir, moi, je suis pas d'accord. La race, pour le bien, ne reste pas bavard. Les infidèles ont planté les épis sous nos voix. Elles ne peuvent pas stopper les côtes de nos voix. Ah ouais. De l'ombre la lumière jaillit, plusieurs couleurs qui facilement se marient. Doit vers le ciel la dja pour les hommes, demande pardon le soleil sur nos têtes. Continue de briller au sortir de nos cocons. D'exode en exode, d'épisodes vécus qui ont laissé pas mal de psychoses. Les miens sont tous pour l'épilogue existentiel peu convaincu. Holocauste, fort pourtant virtuose bloc. Top demain c'est sans faute, de toute façon y'a que là où nous veut les plus chers sexos. Apothéose, osmose, souhaitant qu'un beau jour nous finirons par être amis à pleines dents. À pleines dents, coquer la vie. Voir le bon côté des choses, foutaise premier humain. Mais dans ce monde pas à l'aise, faire vie sur l'histoire, non. Dis-leur j'ai pas leur temps, ce qu'ils me disent ne m'intéresse guère. Non, on n'est pas tentant, aïe laissez la CIA is the first. Et je suis le fils de Zion. Zion Rush and the family, African West Indies, London et Paris. I ever ready, don't cut stamina. Liquas Anthony Lyon, a fat, what? How pleasant it is to see high dreams and sea stream dwell in high. Eli, Joe, Rastafari, merci en pile, merci en shine, merci en work. Bless we are. Unity is strength, love is the foundation.